Bonjour à tous. Bonjour à tous. Émission 183 de Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. Il est 15h. Tout à fait, il est 15h. Bah c'est vrai, c'est bien de dire l'heure. Bah oui, oui. Et on est dans ce froid polaire. Horrible, le micro est glacé. Le micro est glacé, nos crottes de nez sont gelées. Se transforment en stalactites. Ça tombe. Et pas comme les stalagmites qui montent. Et pas comme les stalagmites. Bip. Léna, s'il te plaît. Qui bonte, exactement. C'est très beau ce que tu dis. Émission 183 sur le thème de la musique, comme d'habitude. Rien ne change. Rien ne change. Tout continue, tout se poursuit. Et alors moi, au programme, j'ai prévu... Je me réchauffe les mains, regarde comme ça. Ouais. Au programme, on va écouter des angevins bien efficaces. Angevin, c'est quelle ville, Léna ? Angers, bien joué. Je vois que tu connais ta géographie française. Je connais mes gentilés. T'es gentilé ? C'est le mot qu'on donne, alors gentillé ou gentilé, je ne sais plus. C'est le mot qu'on donne au nom des habitants. Amiens, Amiénois. Donc Amiénois, c'est un gentillé, un gentilé. Un gentilé ? Ouais. Qu'est-ce qu'il est gentil ? C'est le reste de mes cours de trucs, de sciences du langage de trucs. Voilà, très bien. Donc on va écouter des angevins pour débuter, puis après on va écouter un classique post-punk, classique mais moi je ne connaissais pas, un peu à la ESG. Ok. Puis après, on va déraper sur un tube de Dark Wave. J'aime bien ça, tube de Dark Wave. Tu te dis pas que c'est un tube au début, la Dark Wave. Ouais, c'est vrai. Hein, tu te dis que c'est plutôt on est dans une cave et puis on est pas top top et puis on sourit pas trop. Mais là, on peut danser. Peut-être pas avec le sourire, tu souris comme tu veux. Et après, on va écouter un duo parisien qui nous propose un groove cosmique méditerranéen. Et pour la fin, on verra si on a le temps parce qu'il y a encore plein de choses dans le panier. Ben moi, de mon côté, je commencerai par deux groupes de Chicago. Hein, voilà, alors pas d'affilée, hein, bien sûr, chacun son tour. Mais donc, le premier, il est sur le même label que les Montréalais de Bleu Nuit qu'on avait déjà passé dans l'émission avec un album qui s'appelle Le Jardin des Météores. Très, très bon album. Je sais pas si tu vois, Pierrot, te rappelles ? Si. Et le deuxième, lui, c'est plutôt, on va dire, d'inspiration un peu à la Deer Hunter. Ensuite, direction Boston avec un trio punk mené, c'est la chanteuse en fait, c'est une femme qui a une voix assez entraînante, c'est assez énergique, c'est bien. Puis j'ai aussi dans ma hotte un groupe japonais qui est basé à Montréal, tiens on y revient. Et pour finir, retour aux Amériques du côté de la Louisiane cette fois et de la culture cajun et créole. Un programme très Amérique du Nord. Ouais. Hein ? Bah c'est bien, moi j'ai un peu de France, j'ai un peu de tout. Eh bien, on va commencer avec nos angevins, les White Fox. White Fox qui viennent de sortir un EP qui s'appelle Night Has Come, fin janvier. Donc c'est tout frais, ils avaient sorti un EP en 2018 ou 2019. Et pour moi c'est vraiment très très bon. Très bon EP, bien énervé, tout en restant mélodique. Tout ce qu'on aime quoi. Avec des petites touches de shoegaze à certains moments. Hein, tout ce qu'on aime. Voilà, tout ce qu'on aime. Mais c'est vraiment un très très bon EP. Ils me font penser un peu à Shame ou encore Idols pour leur énergie. Ouais. Non, pour le côté brut, mais pour leur énergie à Last Train. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, tu vois. Et okay. Comme pour moi, c'est un signe de qualité. Mm. Parce que Last Train en live, c'est très très bon. Et donc, en plus, si vous voulez les soutenir, là, l'album, il est disponible version digitale. Mais à partir de début mars, il y aura en version physique, notamment en vinyle. Mmh. Pour la petite somme de 12 euros, vous allez sur leur site internet. Il y aura peut-être des frais de port. Ouais, mais alors des fois, il y a des politiques. Sur Bandcamp, le vendredi, généralement, ils enlèvent les feeds, les trucs. Alors là, c'est sur leur site internet à eux. Bandcamp. De White Fox. Ok, d'accord. Donc, le pays s'appelle Night Has Come. Le morceau qu'on va écouter, c'est Under Road's Mind. Et c'est une tuerie. C'est vraiment très, très bien. Je l'ai écouté plusieurs fois, ils sont très jeunes et ils ont aussi une autre qualité, c'est qu'ils font des clips un peu cinématographiques très très beaux, où t'as envie d'être un blouson noir, danger, danger, danger. I guess the age of time, the age of time, and you'll be mine. Around the town, I drop some clouds, and you'll be mine. Undoing, doing, why does it feel? What has been, White Fox et le morceau Underworld's Mind, extrait de leur deuxième EP sorti fin janvier, Night Has Come. Je suis désolée de ne pas avoir rigolé à ta blague, j'ai pas percuté. Danger, danger, ils viennent danger. Danger, ouais. Danger, bah ouais, voilà. Donc bah, allez voir leur clip. Très bien, on enchaîne avec Café Racer qui viennent de Chicago. Ils font plutôt du rock fuzz contemplatif, mais attention, ce n'est pas ennuyeux du tout. On pourrait se dire contemplatif, ça veut dire un peu... Oh. Bon, après, c'est parfois, quand il est 16h ou 11h, c'est un peu des temps où tu fais, quand tu travailles, mais tu sais, un peu des temps morts, tu peux être à ton bureau et regarder dehors et faire... Ouais. Mais là, c'est pas ennuyeux, c'est même quand même un peu dynamique. Alors, il y a un débat sur est-ce que c'est leur deuxième ou leur troisième album. Selon Discogs, c'est leur troisième. Il s'appelle Shadow Talk. Il est sorti l'année dernière sur Born Yesterday Records, le même label que je te disais tout à l'heure de Bleu Nuit. Bleu Nuit, groupe qu'on avait beaucoup aimé. Je m'étais acheté le vinyle, par exemple. Ça, c'est un signe. C'est ma fierté dans ma collection. Tu vois, on en a plusieurs, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, de c'est fierté ou de collection ? J'ai pas beaucoup dans ma collection, mais ça, c'est une de mes petites fiertés. Ah, ça fait plaisir. Donc, je te propose d'écouter un extrait de l'album. Cet extrait s'appelle Faces de Café Racer. Thank you. C'était Café Racer avec le morceau Faces issu de leur dernier album Shadow Talk. J'aime vraiment beaucoup. On retrouve bien la côté, la patte, je trouve, de la scène de Montréal comme Corridor, Blue Monday. Ouais. C'est ce que tu me disais, ouais, en off. Mais oui. Et ouais, très cool. Eh bien, on va partir sur un groupe. T'as dit Blue Monday ? Blue Monday, ouais. Bleu nuit. Bleu nuit, pardon. Ah non, voilà. Ouais, bon, allez. C'est le froid qui refroidit mon cerveau. On va partir sur un groupe, je te le disais en intro, qui est un classique de la post-punk funkisante que je connaissais pas, un nom qui ne déplairait pas aux aficionados du reggae, puisque ce groupe s'appelle Pylon. Pylon, c'est aussi une marque de gourde. Voilà, donc ça s'écrit P-Y-L-O-N. Et bah, c'est exactement le nom de cette gourde. Ouais, exactement. Et bah, juste après, le groupe, il a duré de 79 à 83 et après, ils ont fait des gourdes. Exactement. C'est impressionnant. C'est faux. Alors, c'est un groupe qui vient d'Amérique, Athens, en Géorgie, qui a une durée de vie assez courte, 79 à 83, mais qui a sorti quand même pas mal d'albums. Ça finit par un live, si je me trompe bien. Trompe pas. Et là, j'ai choisi de vous passer deux albums, deux extraits, puisque New West Records a réédité en vinyle ces deux albums qui sont Chomp, où dessus on voit un petit dinosaure, même un T-Rex, donc un grand dinosaure, et Girat, que vous regarderez la pochette, parce qu'elle est plus difficile à décrire. Et donc, c'est un groupe qui fait plutôt du post-punk funkisant, c'est-à-dire un peu plus dansant, hein, c'est pas ouais, juste... D'où le côté dansant que tu parlais tout à l'heure. Exactement, puisque ça reprend quand même les codes de la radio FM, de la pop, tu vois, de la musique des années 70. C'est pas juste cantonné au post-punk un peu triste et rigide, mais qui est très bien, hein, le post-punk, c'est génial. Et donc un peu comme les ESJ ou Gang of Four, voilà, pour situer. Et donc on va écouter deux extraits à la suite. Premier extrait issu de l'album Chomp, et ça sera le morceau Crazy. Et juste après, on va écouter Fist on My Heart, qui veut issu de l'album Jireite. Ça ne dit même pas comme ça, mais bon. Pylon. Shaking 'cause you're wrong. Pilon. Pilon, qui est plus énergique qu'un groupe de reggae, hein. Ah oui, hein. Ah oui, oui, oui, hein. Eh, c'est dansant quand même. Eh bien, si tu as fini avec ton petit pilon, je vais passer à mon petit groupe, mon deuxième groupe de Chicago, qui s'appelle Pool Holograph, et qui a commencé comme un projet solo porté par Wyatt Grant il y a une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'il décide d'inviter trois autres musiciens à se joindre à lui en 2015. Alors, en tant que groupe, donc formation groupe, il cumule deux albums et un EP. Lui, il avait déjà sorti d'autres choses aussi avant. Il y a, je te disais dans ma petite intro, que ça ressemblait beaucoup à Deer Hunter, dans les mélodies, mais surtout dans la voix, qui est très très proche de celle de Bradford Cox, tellement que je me suis même demandé la première fois que j'ai écouté si c'était pas un de ses projets parallèles, mm-hmm. comme il avait Atlas Sound. Sound, c'est Atlas, ça, ouais. Non, Atlas Sound. Atlas, ouais. Sound. Du coup, là, le morceau qu'on va écouter, on va en écouter deux. Le premier s'appelle Deliverance. Il est sorti sur son album, sur leur album, Love Touch Time and Time Began to Sweat, qui est sorti le 2 octobre sur le label Sunroom. Donc Deliverance, et ensuite on écoutera ensuite, à la chaîne Figure and Ground. On l'écoute juste après ou on l'écoute à la suite, après? En fait, on écoute Pool Holograph, le groupe. On va écouter Deliverance, premier morceau. Deuxième morceau, juste après, on va écouter Figure and Ground. Deliverance pour le moment. Ou peut-être pas. Just takes one very cold to come. C'était Poule Holographe, groupe de Chicago. On entend bien sur le deuxième morceau le petit côté Deer Hunter. Enfin, le gros côté Deer Hunter. Appelons un chat, ça ressemble beaucoup. Le deuxième morceau, ouais, c'est plus flagrant. Alors après, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Y a un album à écouter, voilà. Y a d'autres morceaux aussi. Y a d'autres tubes qui s'en éloignent. Là-dessus, je vous ai mis. Enfin, ça m'y a fait penser automatiquement sur cet album-là. Ça veut pas dire que les précédents, c'est aussi la même tambouille, quoi. Mais le morceau précédent, il me faisait penser un peu aux Libertines, le côté beat rock. Ouais, un petit peu. C'est très rock anglais, les 90-2000. On va partir vers le tube de Darkwave, Léna. Ah, ok. Bah, vas-y. Les Bannons Hanover. Les Bannons, bien dit, Léna. Ouais. C'est un duo britannico-suisse qui fait de la Darkwave, hein, qui est assez connue. La Darkwave. Musique qui parfois peut tendre un peu vers la techno, voilà, certaines sonorités, hein, très loin. Donc c'est un groupe qui a été créé en 2010, c'est un duo, un homme, une femme. Et donc eux, ils proposent un son le plus simple possible. Ils veulent un son délibérément simple pour mettre en avant la voix de Larissa, la chanteuse. Tout ça, on a quand même une basse qui est assez épurée et qui est assez douce, c'est ça qui fait danser. Hein. Donc son but, c'est de porter la voix. Il y a quelques sons, plutôt boîte à rythme. Il y a aussi des effets qui essayent de faire une ambiance un peu chaotique. On est quand même sur du dark wave, hein, on se le rappelle. Et le morceau, qui s'appelle, il est dansant, il s'appelle Gallo Dance. Ouais. Ah, donc voilà quand même. Et c'est un tube, moi je le connaissais pas. Et c'est un album, c'est sur l'album Tomb for Two. Qui est sorti chez Fabrica Records, un album qui était sorti initialement en 2013. Donc trêve de blablabla, maintenant si vous êtes dans votre voiture et que vous endormez, et ben faut se réveiller. Thank you. darauf, dass wir uns trennen. Der Baum steht schon da, mein Schatz. Wunderschöner Baum, um sich zu erhängen. Alors, Lena? Eh ben, j'ai bien aimé. Et du coup, elle chante en allemand, ouais. Un peu comme Stéphane Escher, qui aussi, dans ses premiers groupes, chantait en allemand. Donc, il y a un côté... dans ses premiers groupes, ouais. Il est suisse aussi, Stéphane Escher. Oui, ses premiers groupes, ils étaient très punk. Et voilà, c'est un morceau où la musique est au plus simple pour mettre en avant la voix et l'ambiance, l'atmosphère. Voilà, dans le plus simple des appareils. Non, il y a pas un truc. Dans son plus simple appareil, c'est-à-dire voilà. Tout nu. Tout nu, et ben comme la pochette de l'album où il est un peu tout nu, la personne, elle est toute nue. Allez voir. On continue sur notre lancée avec un trio de post-punk justement qui viennent de Boston, sauf que là on est plutôt sur un post-punk rutilant et accrocheur avec une grosse ligne de basse bien présente comme tu les aimes Pierrot et des riffs de guitare efficaces, il n'y a pas d'autre mot. Alors ils ont sorti leur premier album au mois d'août 2020 sur le label Philit Records. L'album s'appelle Hunger for a Way Out et le morceau qu'on... Oui. Oui, je voulais juste intervenir parce que en voyant la pochette de l'album, il est dans ma liste de groupes à écouter. Ah. Et en fait, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Et j'avais vu le descriptif, c'était si vous aimez bien Pilon, écoutez ce groupe. D'accord. Et bien du coup, là, on va écouter deux extraits de cet album qui s'appelle Hunger for a Way Out, qui est sorti l'année dernière sur le label Philit Records. Le premier, c'est exactement le même titre que l'album, Hunger for a Way Out. Et le deuxième, qu'on enchaînera, s'appelle Cross Me Out. Voilà, Sweeping Promises sur Radio Campus Lille. Dans l'émission 183. De Goodbye Kevin. C'était Sweeping Promises sur Radio Campus Lille, hein. Goodbye Kevin, comme nous l'avons dit, avec les morceaux Hunger for Way Out et Cross Me Out. Voilà. Cross Me Out. L'album est excellent. Ouais, c'est très cool. Ouais. J'avais écouté juste le premier morceau que tu avais passé, et ça, c'était de bon augure. J'avais un peu peur, parce que des fois, t'aimes pas trop les voix féminines, trop, dans certains groupes, dans certaines formations. Dis à tout le monde que je suis un macho, c'est ça, Léna ? Exactement. Mais du coup, j'avais peur que ça te plaise pas forcément. Et ben, c'est vrai que Pilon, elle avait pas de voix féminine. Hein. Et ben, on va enchaîner sur un dictateur, Ko Shin Moon. Non, c'est pas vrai. Ko Shin Moon, un groupe, je crois qu'on avait déjà passé. Ouais, exactement. Et je pense que c'était toi. Et je crois que c'était moi et je crois qu'on avait fait la même blague. Ah oui, Oh là là, faut qu'on se renouvelle. Hein. Et pourtant, il y a des confinements qui sont passés par là. Hein. Ouais. On devrait être changé et c'est le monde d'après. Bref, et ben, là, c'est un extrait de leur troisième album qu'on va écouter de ce duo parisien. Troisième album qui était sorti début 2020, toujours chez Acouphone Records. Ouais. Album qui s'appelle Leila Nova, et bah, il nous propose une musique cosmique orientale qui nous emmène vers la Méditerranée, à savoir la Grèce, la Syrie ou encore la Libye. Moi j'ai choisi comme morceau I Lay 2020, il y a 2020 dedans, okay. Qui est un titre dansant et qui est parfait pour à la fois nous réchauffer, mais également nous faire voyager. C'est parfait, pas avec l'époque qu'on vit. Hein ouais. Ko Shin Moon et le morceau Alley 2020. Blablabla. Cochin Moon est extrait de leur album Leila Nova, extrait qui s'appelle Alai 2020. Et depuis, j'ai vu qu'ils avaient sorti un dernier album. Ah bon ? Ouais, en 2020. C'est ça le dernier album 2020 ? Bah non, il y a un album qui s'appelle Miniature. Ah ouais ? Un dernier, ouais. Bah, ah, okay. Ou en 2021 peut-être. J'ai vu là, vite bon. Fait. Bon, je... Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas la page. Je sais pas, c'était... On passera la prochaine fois. Mais t'as vu, j'ai passé un album de 2013. Après, j'ai passé un album où c'était fin des années 70. Je sais plus, à la page, les noms. Oh, c'est pas grave. Là, regarde, on va rattraper un peu. Avec un album qui est pas encore sorti. Alors, bah, comment il peut exister s'il faut encore sortir? Parce qu'il y a un single. Alors, Teke Teke, au Japon, c'est le nom qu'on donne à un monstre issu d'une légende urbaine. Et alors, cette légende urbaine, mon petit Pierrot, elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui serait tombée sur une voie ferrée et qui aurait eu le corps coupé en deux par le passage d'un train. Elle rôderait depuis autour des gares, la nuit, en marchant sur ses mains ou sur ses coudes, selon les versions. Et en disant à l'oreille des usagers, tu seras en retard, tu seras en retard. traînant le haut de son torse sur le sol et émettant un son semblable à un grattement. D'où le nom qu'on lui donne, Teke Teke, qui est en fait une onomatopée japonaise qui sert à désigner ce son. Alors, en vrai, nous, ce qui nous intéresse, enfin non, ça c'est bien réel, enfin pas la fille, mais la légende est bien réelle. Et c'est également Teke Teke, le nom d'un sextet japonais basé à Montréal, qui va chercher son inspiration du côté du rock psyché japonais des années 60-70 et qui fusionne les instruments traditionnels japonais comme. Alors, je ne vais pas te dire les noms, mais il y a une flûte en bambou. Et une espèce de harpe, en fait, de double harpe, une lyre, enfin voilà. Et donc, ça fusionne ça avec un trombone, des guitares fuzz et également des rythmes un peu hip-hop. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, moi j'ai trouvé que ça ressemblait plutôt à ça. L'extrait qu'on écoute, c'est le dernier single qui est extrait de l'album, de leur premier album à venir, sur l'excellent label Sub Pop Records. Et cet extrait s'appelle Kodomo no Kuni de Teke Teke. 4시 44분 全部真っ白のお部屋の中で息も止めてじっとしてたらゆっくり駆け歩き出す 「いなくても大丈夫」 C'était le morceau Kodomo no Kuni du groupe Teke Teke. Premier album à paraître bientôt, on ne sait pas quand, mais on a hâte. Moi, j'ai hâte. Et ben maintenant, j'ai hâte également. Ah, on a hâte ensemble. C'est dingue, hein. Pour terminer cette émission, on va écouter un deuxième extrait de l'album des White Fox, album qui s'appelle Night Has Come, et le morceau qu'on écoute, c'est Silver Bones. Et c'est toujours aussi bien. À la semaine prochaine sur ces paroles bien énergiques, et on vous laisse avec les White Fox. But I wait, Anderson.